s'élevant quelquefois, me fredonne ton nom. C'est en vain que je t'aime en ne te connaissant pas. Je t'ai vu quelquefois souriante et furtive, ferait les sereines aussi douces au printemps. Je t'écris cette lettre n'en pouvant plus, avec l'espoir de ranimer en toi ce sourire timide que t'adressait autrefois. À peine s'il osait ce garçon craintif que j'étais. Tu as grandi, moi aussi, bien sûr, mais cela n'exclut pas les souvenirs d'antan qui, j'espère, ne s'effaceront pas par le temps. Oh Lisette, souviens-toi de moi parfois. Je t'écris cette lettre n'en pouvant plus, avec l'espoir de ranimer en toi ce sourire timide qui t'adressait autrefois. À peine s'il osait ce garçon gratif que j'étais. Lisette, souviens-toi de moi parfois. Oh Lisette, souviens-toi de moi.